Nyangi. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition de ce 22 avril. En voici la charpente. Quatre enfants d'une même famille sont morts la nuit de ce dimanche à lundi en commune Musigati de la province Bubanza. Des habitants du secteur Mugoboka près de la rivière Narangwa déplorent des cas de banditisme dans les ménages durant la nuit et demandent que la sécurité soit renforcée. Le LUCOM suggère un audit indépendant quant aux tricheries constatées dans la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins pour les mères et enfants de moins de 5 ans. En province Gitega, les médiateurs de la colline les médiateurs collinaires de Songa en commune et province Gitega réclament des séances de formation pour bien exercer leur travail, vu qu'ils sont dénigrés par certains habitants. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, page gouvernance pour débuter cette édition gouvernance et santé. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM suggère un audit indépendant pour que les tricheries dans la mise en œuvre de la politique nationale de gratuité des soins de santé cessent. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro ce lundi, le président de cette organisation juge fondée la récente déclaration de la ministre de la Santé faisant état de surfacturation dans certains hôpitaux et centres de santé. Gabriel Oufili estime en outre qu'il y a besoin d'uniformisation de la mise en œuvre de cette politique. Suivez-le au micro de Jean de Dieu Irakodze. Je dois vous dire que ce programme est né suite à la mise en application des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, où ce programme visait que les pays les plus pauvres et très endettés puissent avancer en même temps que d'autres pays en voie de développement ou les pays développés. 10 pays les plus pauvres et très endettés ont été identifiés et c'est à ce moment que le Burundi figurait parmi ces 10 pays qui devaient être aidés. Que ce programme, je crois, était subventionné à hauteur de 80 milliards par an, mais finalement on a vu qu'il y avait beaucoup de magouilles, beaucoup de vols. Et on exigeait qu'il y ait des rapports. C'est pour cette raison que pour l'ICOM, ce que le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida a déclaré, c'est vraiment fondé. Plutôt, pour nous, nous voyons que c'est peu ce qu'ils ont trouvé. Mais je dois vous dire que ça fait plus de 15 ans que ce programme est là. Le gouvernement a pris le relais depuis 2014, mais c'est un programme où il y a beaucoup de fraudes, beaucoup de vols, notamment la surfacturation et la création des factures fictives. Nous demandons trois choses. La première chose, il faut un audit indépendant de toutes ces factures pour montrer les mailles vraies du faux. La deuxième chose qu'il faut faire dans les meilleurs délais, il faut identifier vraiment soutenir les pauvres, exactement. Mais aussi, il ne faut pas soutenir au-delà, celui qui met au monde le quatrième enfant, il ne faut pas le soutenir. Troisième chose à faire, le ministre, il faut qu'il prépare une note claire, envie de donner des éclaircissements au gouvernement pour qu'il puisse prendre des mesures concrètes. Si le juge est vraiment nécessaire, l'ICOM est prêt, on peut lui donner vraiment des suggestions. Parce que, en tout cas, pour ce programme que je viens de vous parler, c'est un programme qui a été mal étudié. Je veux l'annoncer en titre. Les médiateurs collinaires de Songa en commune et province Gitega réclament des séances de formation supplémentaires pour bien exercer leurs activités. Le motif avancé est que cette colline compte plus d'intellectuels qui, des fois, rejettent les compromis émis par ces médiateurs arrogants qui connaissent la loi. Sur cette colline, certaines personnes malmènent les médiateurs jusqu'à les battre. Et toutefois, certains habitants de cette colline apprécient le travail de ces médiateurs pour leur neutralité dans l'exercice de leur mission. Le point avec Gérard Nibigira. Ces médiateurs de la colline Songa, commune et province Gitega, indiquent qu'ils ont besoin de séances de formation supplémentaires en matière de compromis, ce qui les pousse à solliciter de telles séances de formation et que la colline Songa compte beaucoup d'intellectuels car elle est proche de la ville de Gitega. Ainsi donc, ajoutent ces médiateurs, quelquefois ces intellectuels compliquent leur activité en leur disant qu'ils connaissent la loi et ainsi, quand ils sont en train de régler les conflits qui opposent les intellectuels entre eux ou qui opposent les intellectuels à d'autres gens, ils éprouvent des ennuis. De donc, des formations de plus sont indispensables, mentionne-t-il. C'est au moment où ces médiateurs de la colline Songa révèlent qu'il y a des gens qui les malmènent une fois sur terrain, à tel point qu'un certain habitant de la colline Songa les a battus et le dossier a été transmis en justice il y a un peu plus de 5 mois. De leur côté, les habitants de la colline Songa apprécient le travail qu'effectuent les médiateurs collinels de façon équitable et sans podover. Il demande à toute la population de Songa et de tout le pays de respecter plutôt les médiateurs collinaires et celui qui ne serait pas satisfait par le compromis rendu par eux devrait saisir les juridictions compétentes. Il demande à la justice de rendre le plus vite possible le jugement relatif à l'habitant de Songa qui a bâti les médiateurs collinaires de Songa. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 18h06 dans le studio de la radio Isanganiro, page sécurité et environnement, 4 personnes mortes, 3 autres grièvement blessées. C'est le bilan d'un éboulement de terrain qui a emporté à la maison où dormaient ses victimes. C'est sous la colline Rugeyo de la commune Musigate en province Bubanza. Cela s'est passé au cours de cette nuit de dimanche à lundi. Les administratifs locaux et les voisins demandent assistance pour cette famille endeuillée. Le point avec Spesca. C'est ce lundi matin que les voisins ont remarqué que la maison de Mimuro Daniel, habitant sur la colline Rugeyo en zone Namba de la commune Musigati, s'est écroulée suite à un éboulement en amont, un éboulement causé par des pluies intenses. 4 enfants de cette famille sont morts sur le champ, selon les témoins sur place, et 3 autres, y compris leur mère, ont été grièvement blessés. Ils ont été évacués à l'hôpital ce lundi matin. Le père de famille n'était pas à la maison au moment de l'incident, selon la même source. Les administratifs à la base sur la colline Rugeyo, tout comme les voisins des victimes, demandent assistance pour cette famille afin que les blessés puissent bénéficier d'une assistance médicale adéquate. Spes Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Et le ministère de la Défense nationale rejette l'opinion selon laquelle les jeunes n'ont plus d'engouement pour adhérer à la Force de Défense nationale. Lors de la présentation des réalisations du 3e trimestre de l'année budgétaire 2023-2024, le ministre de la Défense nationale a indiqué que lors des recrutements, ils font face à des effectifs élevés des candidats qui doivent concourir pour être retenus. Alain Tribier Mutawazi a souligné que ceux qui sont recrutés doivent répondre à certaines exigences, dont une bonne note en classe, sans oublier qu'il s'agit également d'une vocation. Suivez-le, traduit en français par Alain Désiré Boukénez. Au niveau de la Force de défense nationale du Burundi, quand on fait un appel à candidature, on a toujours des effectifs élevés par rapport à ceux attendus. Vous remarquerez qu'on fait passer des tests pour garder les meilleurs. Je dirais en général que cette affirmation est fausse. La jeunesse répond à notre appel. Et s'ils ne sont pas nombreux à se faire inscrire, c'est parce qu'il y a certaines conditions, entre autres la note obtenue à l'école. Surtout quand il s'agit d'entrer à l'école supérieure, il faut de bons résultats. Il y en a donc parmi ceux qui n'ont pas cette note et d'autres qui sont éliminés par d'autres critères. Il y en a également qui ne sont pas intéressés par l'armée. C'est d'ailleurs une vocation. Et Plusieurs cas de vol dans les ménages du secteur Mugoboka au quartier Mutanga Sud dans la commune urbaine de Mukaza sont signalés. Une situation qui date de 2019 selon les habitants de cette localité, mais qui s'est aggravée ces derniers jours. Ils disent vivre dans la peur panique. Ces bandits défoncent portes et fenêtres et font irruption dans les ménages la nuit et volent différents objets de valeur. Une information confirmée par l'administration de cette localité. Ils demandent tous le renforcement de la sécurité dans cette partie de la zone urbaine de Rohero. Une information que nous devons à Ornella Mucho. Poursuivons cette édition. Les jeunes sont appelés à s'adonner au travail afin de se développer et développer le Burundi. En appel d'Apollinaire Ndikumasabo, initiateur d'un projet de fabrication du charbon écologique sur la colline Mutambara de la commune et province Rumonge. Lui et ses employés apprécient le pas franchi. Ndikumasabo appelle les Burundais à aimer consommer les produits fabriqués au Burundi. Le point avec Jean-Pierre Misago. Une fine cendre obtenue à partir de la carbonisation des herbes, arbustes et épluchures de différentes sortes et même des restes ramassés dans des points de vente du charbon ordinaire, laquelle cendre est mélangée à de la bouillie de déchets de farine de manioc, sert dans la fabrication de ce charbon dit écologique. Apollinaire Ndikumasabo est rapatrié en provenance de la République unie de Tanzanie, employé et directeur de cette société opérant sur la colline Mutambara, d'y mettre en application les connaissances acquises en Tanzanie afin de se développer, créer de l'emploi et contribuer au développement du pays au lieu de rester les bras croisés et attendre désespérément de l'aide. Pour lui, les débuts sont prometteurs. Kwizerimana Elivani, une des 7 employés que compte cette société, dit que les 20 000 francs burundais qu'elle empoche par semaine, tout au début, la pousse à espérer des lendemains meilleurs. Parfait Mugisha, employé dans le restaurant Suite Kona de la ville de Rumonge, déjà habitué à ce charbon produit à Mutambara et acheté à 1000 francs burundais le kilo, l'apprécie. Apollinaire Ndikumasabo appelle les autres jeunes de s'adonner au travail afin de contribuer à atteindre un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Depuis la mécanisation du travail grâce à un prêt obtenu du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, cette société peut produire de 400 à 600 kg de charbon écologique par jour au lieu des 50 kg par jour produits au début, selon le directeur de cette société. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. De Rumonge au sud du Burundi, rendons-nous en province Kayanza, c'est au nord du Burundi, pour parler manque de courant électrique qui est un défi majeur qu'enregistrent des coopératives regroupant les jeunes de cette province de Kayanza dans leurs activités génératrices de revenus. L'un, Nyon Davi, fondateur de la coopérative Rukwavu Product, s'occupant de la boucherie de viande de lapin en commune Matongoy, parmi ceux qui disent qu'ils travaillent à perte suite aux coupures électriques, ils demandent à la JDSE de trouver solution à ce problème. Et au niveau de l'administration provinciale à Kayanza, l'on salue l'initiative des jeunes de se réunir au sein des associations coopératives pour leur autopromotion. Les détails avec Évariste Nzikobanyang. Nari sazonoro y'udukwavu dukeyi hama hariho naranazidandaza ndazidandaza ku bantu baca bamwe bambira yuko badashobora gufungura inyama z'inkwavu. Il s'agit d'Olen Yondavzi, résident à Bandaga. Nous sommes en commune Matongo de la province Kayanza. C'est bien lui l'initiateur d'une coopérative Ukwavu Product de depuis septembre l'année dernière. Celui-ci, avec 11 autres membres de cette coopérative, se réjouissent du pas que cette coopérative a déjà franchi depuis sa création. l'expropriation. Au mois de septembre, nous utilisions les mains. Mais à partir de janvier, nous utilisions les machines électriques. Nous pouvons faire des boulettes de 20 kg de viande par jour. Nous égorgeons des lapins et l'on se met à acheter cette quantité de viande afin d'en fabriquer les boulettes et le saucisson. Par jour, nous produisons 10 kg de boulettes et 5 kg de saucisson. Isaïe Niteretse travaille dans Rukwavu Product. Il est fier d'avoir été embauché sans attendre la misère. Il appelle la jeunesse désœuvrée à créer elle-même de l'emploi. Ici, nous travaillons à 12 et nous sommes régulièrement payés à chaque fin du mois. Il ne faut pas que les jeunes attendent d'être embauchés par le gouvernement. Il faut que les jeunes nous rejoignent pour qu'on puisse consolider notre société. Ceux qui s'approvisionnent dans cette coopérative qui s'occupe de la boucherie de viande et de lapin apprécient ses services. Nheretse Belize est parmi les clients de la coopérative Rukwavu Product. Moi, je suis acheteur. Je m'approvisionne ici. Ces boulettes sont vraiment délicieuses. Cette coopérative est venue à point nommé. Avec ceux qui viennent faire des achats, ici, nous sommes très contents. Même si cette coopérative a déjà enregistré des avancées significatives, son fondateur déplore les coupures électriques comme défi majeur. Les Niondavi projette que cette coopérative puisse couvrir le territoire national d'ici 5 ans. Nous faisons face aux coupures électriques et ça nous cause des pertes énormes. Mais nous projetons loin et nous comptons mettre dans des emballages nos produits pour que nos clients soient bien servis. Nous comptons couvrir le territoire national dans 5 ans. Au niveau de l'administration provinciale de Kayanza, l'on salue les initiatives des jeunes qui se regroupent dans des associations coopératives. Justine Komeza-Dusabe, conseillère du gouverneur de Kayanza, chargée des finances, appelle la jeunesse à accompagner la vision du chef de l'État. Les jeunes de Kayanza, réunis dans des coopératives en général, et se réunissent au sein de Rukwavu Product, saluent l'appui financier du programme d'autonomisation économique de l'emploi des jeunes paillés en cycle. Évariste Nzikobanyanga, autour sur cet élément de sécurité, plusieurs cas de vol dans des ménages du secteur Mugoboka au quartier Mutanga Sud dans la commune urbaine de Mukaza sont signalés. Une situation datant de 2019 selon les habitants de cette localité, mais que la situation s'est aggravée ces derniers jours. Ils disent vivre dans la peur panique. Ces bandits défoncent ses portes et fenêtres. Une information confirmée par l'administration de cette localité demande tous le renforcement de la sécurité dans cette partie de la zone urbaine de Rohiru, le point avec Onela Mucho. Des habitants du secteur Mugoboka, au quartier Mutanga Sud de la commune Mukaza, vivent dans la pure panique suite aux cas de vol répétitifs observés pendant la nuit ces derniers jours dans les ménages et s'inquiètent de la façon dont ces voleurs entrent dans les maisons en défonçant les portes et les fenêtres, comme certaines victimes de vol le déplorent. C'était pendant la nuit, on nous a volé 6 casiers, à peu près 100 kg de riz et 100 kg d'haricots et 350 000 francs bons. Ils ont passé par la clôture et ils ont ouvert la porte de la boutique. On dormait, c'était pendant la nuit. Ils sont passés par les fenêtres et ils ont pris tous nos téléphones qui étaient chargés au salon. Ça nous a vraiment fait peur. Avant d'arriver chez nous, ils ont volé chez nos voisins plusieurs objets de ménage. Ces victimes pensent que la pauvreté et la sécurité non renforcées dans cette localité seraient à l'origine de cette situation. Le chef de quartier Mutanga Sud-Adjoint, Aboubakar Misigaro, affirme que la situation sécuritaire dans cette localité est vraiment déplorable. Il indique qu'il a déjà soumis cette question à ses supérieurs. Souvent, ils défoncent les fenêtres et trouent les murs. Vous comprenez qu'ils s'administraient peut-être d'armes branches. Notre devoir est d'informer nos supérieurs, car on ne peut pas prendre des décisions sans leur accord. Il faut renforcer le comité mixte de sécurité et réinstaller la position militaire qui était basée à Mugoboka. Ces victimes de vol s'inquiètent que la situation pourrait s'aggraver si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque de moyens financiers et terrains modernes sont certains des défis auxquels fait face la Fédération burundaise de netball. Pour trouver solution à ces problèmes, Diomède Bizimana, président de la Fédération burundaise de netball, demande au ministère ayant le sport dans ses attributions et des hommes d'affaires de soutenir cette discipline sportive. Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le netball gagne du terrain au Burundi du fait que plusieurs provinces ont déjà formé les associations qui ont déjà participé dans le championnat national. Explication de Diomède Bizimana, président de la Fédération burundaise de netball. Le sport ici au Burundi a quand même des proportions, je dirais, positives parce que nous avons déjà formé des associations dans les provinces. L'association est formée par des clubs, donc il y a des clubs et il y a des associations qui forment notre fédération. Pour participer au championnat national, il faut avoir fait des compétitions dans les provinces et ceux qui se classent les premiers, on se rencontre au niveau du championnat national. Et chaque année, nous organisons ce type de championnat. Les équipes classées premières dans ce championnat national reçoivent différents prix qui sont décernés par la fédération. Les équipes classées premières dans ce championnat sont donc primées. On prévoit des félicitations, on prévoit des cadeaux, les coupes, les ballons, donc pour dire merci qui ont bien compétit. Le président de la Fédération burundaise de netball affirme que le manque de moyens financiers est le défi majeur auquel fait face cette fédération. La Fédération de netball fait face aux défis comme d'autres, mais ce sont des défis relatifs aux moyens. La Fédération a besoin de moyens, a besoin de soutien de gauche et de droite, pour que quand même elle puisse arriver à ses objectifs. À cela s'ajoute l'insuffisance des terrains modernes. Les terrains ne sont pas en quantité suffisante parce que nous avons toujours peu de terrains. Le jeu est nouveau aussi. Je pense que c'est lié à ça. Sinon, nous espérons qu'au fur et à mesure qu'il y a les constructions de terrains, le netball pourra trouver des terrains. Malgré cela, Diomède Bizimana indique que les équipements qu'ils utilisent pour pratiquer ce sport sont disponibles en quantité suffisante. Les équipements, nous avons les ballons, c'est ça ce qui est nécessaire. Nous avons les poteaux et les maillots parce que, comme vous le savez, les joueurs ne peuvent pas jouer sans qu'ils aient les maillots. Bien que nous en avons encore besoin, bien que nous pouvons toujours aller dans le sens de l'amélioration, sinon les premiers moyens, les moyens de secours, nous en avons. Pour promouvoir le netball au Burundi, il demande au ministère ayant les sports dans ses attributions et les hommes d'affaires de soutenir cette discipline. On demanderait à ce que le ministère nous aide davantage par rapport à l'aide qu'il nous donnait. Nous avons toujours besoin de grandir et nous avons toujours besoin de beaucoup de moyens par rapport à nos activités. Les hommes d'affaires aussi, nous souhaiterions quand même qu'ils nous soutiennent, et aussi qu'ils sachent qu'ils peuvent faire leur publicité. Et à travers les jeux, dans le monde, il y a des bénéfices. Si vous ne bénéficiez pas de l'argent, vous pouvez bénéficier de cette image-là. Avoir aidé quelqu'un, c'est une bonne chose. Le netball est pratiqué au Burundi depuis 2013 et pour le moment, ce sport se joue dans plus de 50 pays au monde. Et c'est par cet élément sonore que je mets en point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de nous avoir prêté oreille attentive. Merci également Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyang.